funny, funny little thing they call the end. Happiness is falling, and she never did go. And before I fell, elle allait à grand pas sur un nuage se penchant, sa corvée en déposa. Dans les rêves saisit cette longue file de la Vierge, quand semble moins de rien reste le projecteur. Elle est un grand mouchoir, un jupon, six chemises, quelques serviettes ici et plus loin quelques draps. Mais le fil trop léger soudain se casse ses deux. Et le linge s'envole et se posa par là. Rapide elle ramasse les serviettes et les draps, comme un cueilleur de fruits ou des fleurs avec joie. Et sur les prairies bleues maintenant rougeois, de-ci de la partout sans or elle dépose. Son linge parfumé des senteurs de la nuit, que la terre amidée abondamment lui donne. La corbeille midée d'un coup de pied léger. Dans l'espace étonné, elle l'envoie rouler. Ensuite, elle s'assoit parmi les herbes folles. Chauffe de tout son cœur, dit car il faut que des lobes. Le tout soit bien séché afin que le soleil n'ait pas l'indiscrétion de regarder dans l'air et dessous embaumé de la lune enfoncée.